donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG. Et on se retrouve aujourd'hui pour cette 603e émission Johnny de A à Z sur RIG. Et cette émission concerne aujourd'hui l'album Ça ne change pas un homme. C'est le 37e album studio de Johnny Hallyday, sorti en 1991. Et contrairement aux albums précédents, dominés par un seul auteur principal, Berger, Goldman ou Rhoda Gil, celui-ci rassemble de nombreux créateurs différents. Et Johnny avait même envisagé de l'appeler Patchwork. Premier titre de ce titre de cet album de la semaine, Ça change pas un homme, voici Tout pour te déplaire. Côté dans les coups durs.

Le 7 mars 1991, Johnny Hallyday retrouve Patrick Bruel sur le plateau de Sacré Soirée. Les téléspectateurs apprécient le duo Johnny et Patrick Bruel sur le titre « Casser la voix ». Sacré soirée, bonsoir Johnny. Comment ça va? Ça va. Il fait chaud chez vous, hein? Ça donne envie de commencer un spectacle, tout ça. Ah, c'est un bon début de spectacle. Ah, ouais. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Patrick comme ça? Sans réfléchir, oui, je viens. Ben oui, parce que je l'aime bien. Ouais. D'abord, je le connais depuis trop longtemps, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait, je l'admire au cinéma. Enfin, bon, je peux pas dire du mal de lui ce soir, alors je vais dire que du bien. Ouais. Non, mais enfin, non, c'est vrai, je l'aime beaucoup depuis très longtemps, et puis, j'ai trouvé que... Il y a eu beaucoup d'injustices contre lui ces derniers temps, et puis je trouvais normal qu'on vienne saluer un artiste qui a fait une tournée magnifique comme celle de Patrick. Merci. Tu sais, c'est toujours agréable de que quelqu'un comme Johnny Hallyday te à chaque fois qu'il te croise te prenne dans ses bras, te serre très très fort en disant des choses très très très très, très encourageantes. Et ça, et pas toujours bourré. Et ça, comme tu l'as dit. Mais je l'ai pas dit. Hein. Elle l'a écrit, mais je l'ai pas dit. C'est que je te le jure. À chaque fois qu'on vient ici, on règle nos comptes avec la presse. De toute façon, tout va bien. Non, c'est uniquement par tendresse. Mais tu sais, depuis très très longtemps. Et la première fois, c'était en 1984. J'avais juste fait mon premier 45 tours. Personne l'avait entendu. Personne le connaissait. Il s'avère que Johnny, lui, l'avait entendu, c'était dans les coulisses du Zénith où lui, il chantait. Ouais. J'étais allé le voir comme un spectateur, puis il y avait plein d'autres gens. Et il s'est pas occupé des autres gens. Il est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, vous avez beaucoup de talent, vous irez très très loin. Mais ici en 84, alors ça fait toujours plaisir. Je pensais, très sincèrement. Et puis, moi, j'avais vu à l'Olympia. Et puis, ensuite, j'ai fait une tournée d'été. Et puis lui, il est venu dans quelques galas. Je me rappellerai toujours l'été. Il a fait des chœurs avec moi sur scène. Ah, c'était super. Dans Gabriel, tu voulais mon esprit. Et puis on avait chanté toute la musique. Les chœurs de Gabriel. J'ai fait les chœurs de Gabriel un jour à Bercy derrière lui. Et puis, un jour en tournée, il m'a fait un truc extraordinaire. Il m'a invité. On était en vacances. Il m'a dit, mais ce soir, tu me laisses pas tout seul. Je lui ai dit, mais attends, je sais pas. Il me fait, tu me laisses pas tout seul, tu viens chanter. J'étais là. Et c'est la proposition qu'on peut pas refuser. Ça, on peut pas sûr, la refuser. Oui. Et ça a duré trois soirs. Je peux dire un mot sur la chanson? J'ai l'impression que c'est aussi une chanson pour Hallyday, casser la voix. Écoute, je trouve qu'il a très bien fait de la faire lui-même. Ouais. Mais c'est une chanson que j'aurais fait vraiment volontiers s'il me l'avait donnée. Ah, alors, Patrick, faudrait peut-être penser à faire un de temps en temps un cadeau de la sorte à Johnny. Eh ben, on y pense, on va peut-être lui en faire un ou deux. On y pense. Monsieur Bruel. Enfin, ça sera plutôt un cadeau pour moi d'avoir une chanson chantée par Johnny. Monsieur Bruel, en vertu des pouvoirs qui vous sont toujours, construits. Non, mais attends, il me lance une fleur et je vais quand même lui répondre. Oui. C'est pas toujours facile de chanter. C'est très facile de chanter des bonnes chansons. C'est pas toujours facile d'en chanter des mauvaises. Ouais. Et Dieu sait si on en a tous fait dans notre métier des très bonnes et puis aussi des mauvaises. Hein, bon. Mais je dois dire que je pense que ça durera, mais pour l'instant, il écrit vraiment de très bonnes chansons. Ouais. Je tenais à le dire. C'est la soirée des compliments. Hein. Mais bien sûr, mais cette chanson, je ne l'ai pas écrite seule, je l'ai écrite avec mon ami Pras Gurvic. Un mot quand même, et puis ensuite, on va tourner la page de ces victoires de la musique, on va tourner cette page, parce que Johnny vient de l'évoquer. Il faut oublier ça. Finalement, tant mieux, non? Parce de quoi, de pas les avoir eus. Mais oui, parce qu'on en Salut. A jamais autant parlé. Non mais on en a jamais autant parlé. Johnny a eu, bon, mais non, c'est vrai que si on peut parler médiatiquement, c'est vrai que ça a été énorme. Tout le monde en a parlé. En fait, et puis les témoignages. Semblable cette nomination pour dire au revoir, merci d'être venu, quoi. Non, c'est-à-dire que c'était formidable. C'était l'encouragement des gens. Revenons sur les gens ce soir-là. C'est vrai que les sifflets qui accompagnaient les gens qui ont gagné n'étaient certainement pas contre ces gens, mais contre par rapport au jury. Bon, et ça n'enlevait en rien au talent. Évidemment, ça j'ai déjà dit, sinon je ne vais pas le redire. Et puis, mais ce qui était formidable, c'est les témoignages d'encouragement qui ont suivi pendant les semaines, les deux semaines qui ont suivi, le courrier, tout ce que j'ai reçu, tout ce que les gens qui me croisaient dans la rue, des gens qui n'avaient mais qui s'en foutaient complètement de ce que je pouvais faire, qui me croyaient, qui me disaient. J'ai des enfoirés. Puis qui partait. C'est déjà là. Mais bon, ce qui se passe surtout, c'est que c'est affectivement, on va pas dire non, je m'en fous. C'est pas vrai, je m'en fous. Non, affectivement, ça fait quelque chose. Mais c'est vrai que je l'ai dit, je le redis, par rapport à tout ce qui était en train de se passer dans le monde, par tout ce qu'il y avait, par rapport à cette guerre de la tronche, c'était quand même vraiment dérisoire. Le samedi soir, c'était dur. Le dimanche, un peu dur à se réveiller. Puis le lundi, c'était fini. Ouais. Voilà. Et on passe à autre chose. Et puis bon, tout le monde l'a écrit dans tous les journaux partout. La plus belle victoire, c'est celle du public. Moi, je le répète. Et merci encore. Ouais. Merci. Alors. On va dire un mot avec Johnny sur l'album qu'il prépare. Oui, bien sûr. Et puis une tournée d'été, Patrick aussi d'ailleurs. Oui. Ah, une danse. Ce sera sur les routes ensemble. On a peut-être une chance de se retrouver quelque part. Mais qui sait. Vraiment merci. Merci d'être venu parce que j'étais très heureux. J'ai vécu. C'est formidable la télévision. On vit des moments incroyables. Ce moment-là, à chanter avec Johnny, casser la voix. Tout le monde imagine ce que c'est un rêve de gosse, quoi. Et c'est génial. Merci infiniment. Voilà, ça serait en full joie. Au printemps 1991, à Paris, Johnny Hallyday travaille avec Tony Joe White sur de nouvelles chansons. Il est un temps envisagé qu'il écrive et réalise le prochain album d'Hallyday, mais finalement, l'entreprise s'avère compliquée pour l'Américain et le projet tourne court. De cette collaboration ne subsistent que deux chansons, Une journée et La guitare fait mal, écrites par Étienne Rodagile. Voici une interview de Tony Joe White. He came here one time and did a TV special. Il était venu à Nashville une première fois pour une émission de télé. Nous avions fait Pog Saladani ensemble. Emilio Harris avait participé au show, ainsi qu'un tas d'autres vedettes. C'est comme ça qu'on a pu se connaître mieux. On a parlé de notre passé. Et il y a quelques mois, Johnny voulait savoir s'il pouvait chanter quelques-unes de mes chansons. Et si je pouvais venir à Paris avec les musiciens du Muscle Shoals Studio. The Muscle Shoals Boys. So, we all flew over there. Alors on y a été, on devait faire trois chansons et on en a fait cinq. Je crois qu'il est en train de les chanter. En fait, il n'a pas complètement fini. He's singing them now, I think. He's not finished with them yet, but it's coming. They was calling it Parisian Swamp, Johnny was. It's like, you're just like my music, but. En fait, c'est bizarre. C'est ma musique avec des mots français et une voix de rocker. Il paraît qu'il va même en faire une version américaine. C'était vraiment excitant, surtout pour les musiciens du Muscle Shoals, parce qu'ils ne vont jamais nulle part. Ils habitent dans leur petite ville du sud, ils jouent leur musique, ils rentrent chez eux le soir, c'est tout. Ils ont super bien joué, tout le monde était content, c'était vraiment un grand moment. Avec l'interdiction de Gilles Verlan. Les enregistrements se déroulent à Paris, puis à New York, au studio Power Station et Hit Factory, sous la direction de Mick Lanaro. Et puis, les différentes étapes de la production feront à nouveau station en région parisienne, studio Gang, Guillaume Tell et à Montreux. Le projet s'est nourri des différentes séances mises sur pied entre mai et octobre 1991. 6 mois de travail pour un album qui ressemble aux photos qui l'accompagnent. Une balade dans différents styles, au gré des rencontres, sans autre but apparent que de produire de la bonne musique, de varier les ambiances, de faire se rencontrer des créateurs qui n'avaient aucune raison de mêler leurs talents. Avec Brian Adams, Kent, Mort Schumann, Isa Chandy, Bon Jovi, Philippe Labro, Chris Rea, Tony Joe White et Patrick Bruel qui proposera 2 titres. Et le 19 novembre 1991, le premier extrait de cet album est le titre éponyme « Ça ne change pas un homme » écrit par Art Mingo et Patrice Guiaro. Voici l'interview de Art Mingo. Première surprise, c'est quand Mick Lanaro m'a appelé pour me dire que, effectivement, le titre risquait d'être retenu. Ce qui a eu quand même beaucoup de modération, quoi. On m'a jamais dit ça va être single, ça va sortir. Moi, juste dit, je pense qu'on va retenir le titre pour l'instant, puisque je crois qu'ils ont reçu 400 titres, quoi, pour 400 propositions de titres pour l'album. Donc, c'est vrai que je rêvais pas trop. Mais quand ça a été confirmé, ça a été quand même une grosse. C'est un peu, je pense, le même. Ça doit être la même impression que quand on vient d'avoir un examen, j'imagine. J'en ai pas eu beaucoup, donc j'ai eu cette impression-là, quoi. Enfin, je pense que on a quand même. Moi, en tout cas, les gens de ma génération, j'ai 30 ans, j'ai quand même grandi avec plein de chanteurs comme ça. Et puis, Johnny fait partie de ces gens-là qui ont traversé un peu toutes les époques, toutes les modes. Et donc. Forcément, c'est devenu un mythe. Écrire pour un mythe, je pense pas que ça m'arrive ou que ça m'arrivera souvent. Quoi. Donc, c'était vraiment une case d'enfer. Puis, c'est vrai que c'est quand même un vieux rêve, quoi. Hein, finalement. Mais disons qu'il a une telle personnalité. Enfin, la première chose qui m'a vraiment surprise, quoi, c'est quand j'ai envoyé ma maquette. Donc, c'est de recevoir ensuite le définitif du titre. Et puis, j'avais vraiment l'impression que c'était Johnny Hallyday qui avait fait le titre. Même s'il n'est pas auteur, s'il n'est pas compositeur, s'il ne réalise pas, il a une telle personnalité dans l'interprétation que, bon, c'était vraiment assez étonnant, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas. C'est vrai que je suis quand même débutant. Donc, peu d'expérience. Mais vraiment, grosse. Enfin, ça va être un très, très bon souvenir, sûrement, quoi. C'était trop beau. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Moi, j'ai grandi dans la rue, avec au bout des poings. Des tessons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien déformé. Ça ne change pas un homme, un homme ça vieillit. pas cru l'ami, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. Et je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec des vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Un homme, ça s'oublie. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Pour n'avoir jamais cru, je n'ai jamais vécu. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. Ça ne change pas un homme, un homme, ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme, ça s'oublie. Ça ne change pas un homme, ça vieillit. L'album de la semaine, c'est « Ça ne change pas un homme » sorti le 10 décembre 1991. Nous sommes à présent le 8 juin 1991. L'émission « Le grand concert des potes » est diffusée en direct depuis une esplanade du château de Vincennes sur Antenne 2. 60 000 personnes assistent au concert exceptionnel donné au profit de SOS Racisme. La présence du chanteur apparaît comme symbolique et Johnny est interviewé par le journaliste Yves Bigot. Ça vous séduit l'idée de chanter gratuitement, justement, ce soir, pour des gens qui peut-être n'ont pas les moyens de venir vous voir à Bercy ou bah, quand vous êtes en tournée? Vous savez, c'est pas la première fois, je l'ai déjà fait souvent, ça. Surtout quand c'est pour des bonnes causes, en tout cas des causes auxquelles je crois. Je l'ai fait pour les Restos du Cœur avec plaisir. D'ailleurs, j'étais pas tout seul puisqu'on était quatre à le faire. Il y avait Eddy, il y avait Sardou, il y avait Goldman et il y avait Véronique Chanson. Mais comme je l'ai dit aussi, pour moi, c'est un petit peu. Le spectacle ce soir, c'est un petit peu avec le cœur, parce que bon, ça a été créé au départ avec l'aide de Coluche. Et pour moi, c'est un petit peu comme pour les Restos du Cœur, c'est un petit peu la continuité de l'amitié et du respect que je lui dois. Ça doit vous rappeler un tout petit peu cette foule ici rassemblée autour d'un podium. Ça me rappelle plusieurs choses. Ça me rappelle d'abord les Restos du Cœur, quand nous avons fait Paris. Ça me rappelle aussi la fête de la Nation que nous avons fait en 62, qui était pour le premier anniversaire de Salut les copains. Et puis ça me rappelle plein de choses. Et puis c'est bien, je trouve. Je trouve qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à le faire. Alors ce soir, notamment, vous allez chanter toute la musique que j'aime avec Amina. Oui. Vous aimez chanter? On n'a jamais répété ensemble, alors j'espère que ça va se passer, parce que bon... Vous venez de vous rencontrer, là, vous la connaissiez oui, pas Oui, je l'ai rencontrée pour la première fois, bon, je l'ai admirée, bien sûr, plusieurs fois à la télévision, comme tout le monde, mais oui, c'est la première fois que je la rencontre en personne. Vous aimez chanter avec d'autres chanteurs? Oui, moi j'aime bien, surtout quand ça se passe comme ça, parce que ça se passe très souvent en Angleterre comme ça, ça se passe très souvent aux États-Unis. Il y a souvent des guests surprises qui viennent, même sans qu'ils soient au courant. Et je trouve que malheureusement, ça se fait trop rarement en France. Je ne sais pas, parce que peut-être que les chanteurs ont envie d'être tout seuls sur la scène, faire leur tour de chant, faire leur spectacle, et puis ils hésitent à venir partager la vedette avec quelqu'un d'autre. Ou bon, enfin, je ne sais pas, quelles que soient de toute façon les intentions. Moi, je suis ravi quand ça se passe, en tout cas. Ils sont terrorisés. Moi, en général, je le fais toujours. Je le fais pour Eddie, je l'ai fait pour Goldman, je l'ai fait pour Bruel. Je veux dire, moi, j'aime bien ça, parce que je trouve que la musique n'a pas de frontières. C'est ça qui est bien. Vous imaginez bien qu'ils doivent être terrorisés. Amina, elle est dans tous ses états, là, de savoir quand, qu'elle va chanter avec vous. Vous savez, quand moi j'étais chanté avec Goldman, je ne connaissais pas assez bien ses chansons, j'étais terrorisé aussi. Hein. C'est vrai? Bah, oui, on a toujours un peu la trouille d'aller sur une scène quand ce n'est pas vos propres chansons, mais quand on chante avec quelqu'un, on n'a pas l'habitude de chanter avec cette personne. Surtout quand on n'a pas répété, quoi, quand c'est en guest. Et voici le duo Junaidé et Amina sur La musique que j'aime. La musique que j'aime, le livre de Michel Mallory, justement sur toute l'histoire sur la musique que j'aime, est sorti ce mercredi 18 mars 2026. J'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares. Yeah.

passé tellement d'heures à me demander pourquoi mes plus belles erreurs étaient toujours pour toi. Je vois bien dans tes yeux, tu es déjà parti, tu ne m'écoutes plus. Je continue ma vie pour exister, pour exister, pour exister. Exister en version live virtuelle. Le vendredi 21 juin, pour célébrer le 10e anniversaire de la fête de la musique, la mairie de Paris offre deux grands spectacles. L'un dans la cour carrée du Louvre, avec l'orchestre philharmonique de Radio France, jouant Mozart. L'autre sur la place de la République, avec Johnny Hallyday. 100 000 spectateurs applaudissent le rocker comme bon vieux temps de la nation. Son tour de chant achevé, Johnny file Trocadéro pour interpréter trois titres en direct à la télévision sur TF1. Eh bien, d'abord, j'aimerais remercier tout le public qui est là ce soir pour la fête de la musique. Le soleil n'est pas au rendez-vous du premier jour d'été, mais vous avez assez de clarté pour rendre cette fête formidable. Merci. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Bonne chance à celui qui veut ma place. Ils ont des chaînes sans voir le jour. J'étais ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. Le 7 juillet 1991, Johnny Hallyday est l'invité d'Anne Sinclair dans l'émission 7 sur 7 pour parler de sa carrière et de l'actualité de la semaine. Alors, je comptais là, 700 chansons, 100 millions de disques. On a le sentiment que vous renouvelez à chaque fois, que vous voulez toujours avancer et que finalement, vous ne regardez pas en arrière. La nostalgie, c'est pas tellement votre affaire. Bon, ce qui est fait, est fait. Hein. Et j'étais très frappée par ce que vous dites souvent, c'est que vous vous écoutez jamais. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes particulièrement critique? Est-ce que parce que c'est de la pudeur? Ou parce que, précisément, vous voulez renouveler tout le temps le genre musical? D'abord, ce que j'ai déjà fait, j'ai pas envie de l'écouter parce que je l'ai déjà fait. Et puis, je trouve pas toujours tout ce que j'ai fait de bien. Et il y a des choses que j'aimerais pouvoir retirer du marché pour les refaire et les faire mieux. Maintenant, c'est vrai que j'écoute pas mes disques, sauf à la radio quand je suis en voiture. Et là, ça vous fait quel effet? Vous dites, tiens, il y a des chansons que je chante plus comme ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que bon, je dois sans doute évoluer comme tout le monde, comme d'autres chanteurs. C'est vrai que aujourd'hui, en 91, je ne chante pas de la même façon que je chantais en 60 ou en 61. Les chansons ne sont plus les mêmes, la musique a évolué. J'écoute pas en général ce que j'ai fait avant, parce que je travaille beaucoup en studio. Quand on fait un disque, je passe des heures, la moitié de la nuit en studio, on refait des phrases, on remixe, on revient deux jours après, le mix nous plaît pas, on remixe, donc obligatoirement on les entend ces chansons. Donc vous en avez marre quand après vous l'entendez. Après des heures, des semaines, des mois de travail sur un disque, on n'a plus envie d'écouter des chansons dont on a passé des heures pour les faire. Et puis, quand j'ai fini un disque, pour moi le disque est terminé. À part chanter les chansons sur scène. Quoique même sur scène, on les modifie un petit peu ces chansons, on les rend un petit peu plus scéniques par rapport au disque. Mais c'est vrai que je pense déjà, sur la fin d'un disque, je pense déjà au prochain. Et à la fin d'un spectacle, vous pensez aussi au suivant, et je sais que vous pensez déjà à Bercy qui aura lieu dans un an. Parce que j'ai fait tellement de spectacles, il faut trouver des idées différentes à chaque fois. Des idées de mise en scène. Bien sûr. Donc j'ai fait pas mal de spectacles déjà, et à chaque fois c'est des nouvelles. Il faut trouver les idées. Pour surprendre les gens, faut dire. Oui, et puis même pour ça, il faut se donner un petit peu envie. Goldman m'a écrit une chanson, l'envie. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a tous besoin d'une envie pour faire quelque chose. Donc, pour avoir l'envie, il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Un dernier mot un peu sur vous. Dans ces pages que vous consacrez le Parisien vendredi, il y avait un sondage qui disait que 53% des Français vous aimaient et que 59%, c'est-à-dire 6 sur 10, espèrent bien que vous chanterez encore dans 20 ans. Vous chanterez encore dans 20 ans? Je ne sais pas. Il faut avoir envie, comme vous disiez tout à l'heure. Mais j'ai envie parce que je fais un métier exceptionnel, je fais un métier que j'aime. Et ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, il faut avoir la santé pour faire ce métier. Je pense l'avoir. Si je dois mourir un jour, j'espère que ce sera sur scène. Comme Molière. Alors, le fait d'être un monument national comme ça, c'est écrasant, ou au contraire, ça donne des ailes, ça dynamise? Vous dites quelquefois, oh là là. Il faut quand même que je fasse très très attention la plupart des temps à ce que je dis, parce qu'il y a il y a des gens qui se moquent de moi, comme certaines personnes que j'ai entendues il n'y a pas longtemps à la radio sur France Inter. Regardez tous Johnny avec Anne Sinclair dimanche, on va bien se poiler. Bon, j'espère que on les a peut-être pas fait poiler jusqu'à présent, mais j'espère qu'ils vont se poiler par la suite de l'émission. Oui. Si, donc ça pour se poiler.

Retour sur le plateau de l'émission 7 sur 7. Johnny précise qu'il n'est pas raciste et lors d'un concert pour une cause ou pour un parti politique, il tient une posture apolitique. Il joue pour le public. Mais le racisme, ça, c'est quelque chose qui vous indigne, qui vous révolte, vous ne comprenez pas ça, vous admettez pas non, ça. Non, je ne peux pas comprendre ce que c'est que le racisme. Pour avoir une raison. Moi, je ne suis pas raciste. Je trouve ça démodé, dépassé. On vit à une époque où il y a déjà assez de conflits dans le monde sans qu'on soit en plus raciste. En plus, nous avons des tas d'immigrés chez nous. C'est vrai qu'il y a des gens racistes. Ils ont des raisons de l'être. Enfin, je l'espère pour eux. Moi, je ne suis pas raciste. Je trouve ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, démodé. Maintenant, on parle des paras par rapport à ça. Mais enfin, bon, il y a toujours eu... Ça aurait pu être les Marsois. Moi, j'avais parti des Marsois pendant mon époque militaire. Non, on ne dit pas que les paras sont racistes. Là, c'est une affaire de racisme dans laquelle des paras sont impliqués. Donc c'est... Oui, mais enfin, bon, le racisme a toujours existé. Vous savez, le racisme... Quand j'étais aux États-Unis, un blanc ne peut pas aller dans le quartier noir. Il ne faut pas oublier aussi que dans certaines situations, les noirs... Je dis ça parce que je ne veux pas que ce soit mal pris, je ne suis pas raciste. Hein. Mais les Noirs sont plus racistes que nous. C'est vrai que dans les familles bourgeoises de certains pays, ils se marient entre eux, ils n'accepteraient pas que leur fille se marie avec quelqu'un d'une autre religion. C'est un peu la logique de l'exclusion, où se sentant exclu, ils se replient aussi. Absolument, sur la propre communauté. Il y a quelque chose qui a surpris, c'est que vous aviez toujours dit, moi je chante pour tout le monde, je chantais pour SOS Racisme, je chante pour la fête de l'UMA, je chante pour Chirac, qui est un ami, etc. Mais vous aviez toujours dit que je chanterai jamais pour Le Pen. Or, justement, dans le Parisien Libéré, vendredi, vous avez dit pourquoi pas. Alors, est-ce que vous faites une différence entre Le Pen, les électeurs de Le Pen? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Oui, je fais une différence entre Le Pen et les électeurs de Le Pen. Je ne partage pas les avis de M. Le Pen, en tout cas pas toujours. Mais bon, il y a quand même 15% de Français qui votent pour lui. Est-ce que ça vient d'un désespoir? Ils ne savent plus vers qui aller, dans quel clan ils sont. Il y a aussi ça. M. Le Pen, aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il ne serait pas là si on ne l'avait pas mis là. Il y a des gens qui votent pour lui et il faut respecter les gens qui votent pour lui. Ce sont des citoyens français, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Moi, si on m'a jamais demandé de chanter pour Le Pen, c'est pas pour Le Pen que j'irais s'il devait chanter. Ce serait pour son parti, de toute façon. Moi, je suis chanteur. Je vais chanter. Mon métier, c'est de chanter. Je fais la fête de l'humanité. Je chantais pour Chirac, qui est d'ailleurs, en passant, mon ami personnel. Pas en tant qu'homme politique. Moi, je n'ai pas donné mon avis politique. C'est un avis que je garde pour moi. Je vote comme tout le monde. Je vote, bien sûr. Ça vous concerne. Ça me concerne. Je vais pas donner mon avis politique, mon avis, parce que je suis Johnny Hallyday. Ça ne regarde que moi. Pourquoi je n'irais pas chanter pour. Donc vous chantez pour des Français, quel que soit ce qu'ils pensent. Quand je fais un spectacle, il faut bien se dire une chose. Quand je fais un spectacle, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Paris, on ne demande pas à chaque spectateur qui vient dans une salle quel parti êtes-vous et empêcher les gens de rentrer. S'ils ne sont pas des partis dont on a envie. Les Français, c'est des Français, ils votent en leur âme et conscience, et ça, je respecte. On retrouve Antoine Decaune et l'Odyssée Johnny Hallyday, et on va parler du titre La guitare fait mal. L'Odyssée Johnny Hallyday. Bonjour, c'est Antoine Decaune, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Odyssée Hallyday. Aujourd'hui, on va remonter à l'année 1991, quand Johnny enregistre La guitare fait mal, une chanson dont l'histoire est peu banale. Ça ne change pas un homme, ça vieillit. Cette année-là, le formidable parolier Étienne Rodagil, qui a écrit entre autres certaines des plus belles chansons de Julien Clerc, supervise la réalisation du nouveau disque de Johnny. Ça ne change pas, un homme, c'est le titre. Étienne a repéré un morceau américain, The Guitar Don't Lie, par Tony Joe White, un artiste admiré de Johnny. Il décide d'en écrire une traduction sous le titre « La guitare fait mal ». You can feel it inside, and the guitar don't lie. Ce qu'ignore Étienne Rodagil, c'est qu'en fait il s'agit déjà d'une adaptation, mais dans le sens inverse. En effet, Tony Joe White a craqué sur une composition de feu son ami Joe Dassin, Le marché aux puces, dont les paroles originales sont signées Claude Lemel. Cette version originale, la vraie, était parue en 1979. Et pourtant, sans savoir pourquoi, je l'ai suivi. Tu hésites un moment, tu n'oses pas, puis tu oses. Un moment de culot va bouleverser ta vie. Du marché aux puces de Joe Dassin à la guitare qui fait mal de Johnny Hallyday, le chemin a donc été tortueux, en faisant un détour par les bayous de la Louisiane, cher au rocker américain Tony Joe White. Étienne Rodagil est ignoré ses détails bassement matériels, ne surprend guère tous ceux qui l'ont connu. Roda était un vrai poète, il avait la tête dans les étoiles. Pour la petite histoire, on se souvient que la guitare a souvent été au centre des chansons de Johnny. Il a chanté « Ma guitare »,« Les guitares jouent », »,« Le blues »,« Ma guitare et moi »,« J'ai pleuré sur ma guitare », enfin des histoires de guitare, quoi. Sans oublier toute la musique que j'aime, qu'elle vient de là, qu'elle vient du blues, sur des guitares des mains noires, même qu'elles lui ont donné le jour. Et puis, en 1991, il y a eu la guitare qui fait mal, qu'on écoute tout de suite. La nuit, il a joué sur sa guitare au fond d'un vieux café. Un peu de soleil sur le goudron mouillé. Les gens s'en vont, le jour va se lever. C'est la dernière chanson d'un amour blessé. Il y a la guerre quelque part, loin du café. Comme un amour bizarre, il veut jamais rentrer. Tout ça est la guitare fait mal. La femme qui vient le soir s'habille en noir. Elle sourit quand il joue le blues. Elle demande chaque soir la même chanson, la même chanson qui est toute son histoire et c'est son parfum qui traîne dans le matin. On empile des chaises pour balayer. C'est toute une histoire qu'il faudrait oublier. Tout ça est c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment la musique. Johnny en live dans l'émission Johnny de A à Z. Là, nous sommes au mois de juin 91. Johnny est en répétition pour sa tournée d'été au studio Oco de Vitry-sur-Seine. Il apporte des modifications à son tour de chant, en exemple le titre Les Vautours. Dans un document vidéo, on distingue Johnny dire ouais, je sais pas moi s'il faut la faire Les Vautours. Je trouve qu'elle n'amène rien, c'est chiant. C'est pas une chanson de scène. Allez, merde, next. Et un musicien lui dit Mirador. Non, laisse, c'est bon. Elle me gonfle, moi. Voici le document sonore. Essayez de... Allez, vous avez retenu ce que j'ai dit, et vous allez le retrouver. Et lors de cette tournée d'été, donc, le titre « Les Vautours » sera enlevé. Exit. Allez, next. On retrouve Johnny Hallyday à Arles, le 17 juillet 1991, et le titre « Bebop Lula ». Bebop Lula,

j'aime l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être sain, battre la maladie. Je me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant d'en dire, j'ai oublié les rêves et les merci. Tout à ces choses, il avait appris, il faut l'envie de vivre et le désir, que le plaisir aussi. Décembre 1991, sort l'album Ça ne change pas un homme. La presse accueille l'album avec la curiosité habituelle et ainsi Libération note, le journal Libération note, retour à la caisse départ pour Johnny Hallyday qui renoue avec la politique du hors-d'œuvre varié, allusion au fait que ce nouvel opus n'est pas dirigé par un seul patron mais par plusieurs. Un homme, ça ne change pas. Un Hallyday, encore moins. Reste au milieu de cette empoignade, Johnny toujours photogénique, dans le genre noctambule, un peu usé, paumé dans les rues sinistres et hostiles de la grande cité. On dira qu'il y a plus de rock là-dedans que chez tous les prétendants locaux anciens, Dick Rivers, Eddie Mitchell, ou modernes, Bruel, Pani, et qu'à 50 balais, Super Jojo embrouille la concurrence sans vraiment se forcer. Bref, que Johnny a de la suite dans l'idée. Oui, bah, prudence, on n'ajoutera rien à cette conclusion. On écoute le titre Amour Facile. Adaptation du titre Dirty Love du groupe Thunder. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Le 15 septembre 1991, Johnny l'avait promis en 85. Il tient parole. Johnny revient à la Courneuve chanter pour la fête de l'humanité. Ils ont voulu voir Johnny et ils ont vu Georges. Johnny Hallyday, vous allez la voir et je vais l'écouter avec vous, mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. Le secrétaire général du parti va saluer celui que la foule est venue applaudir. Je vais régulièrement l'applaudir. Arrivée triomphale de Johnny Hallyday sur scène, il était attendu depuis le début de l'après-midi par la foule. Mais Georges Marchais a quand même pu faire la première partie. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux, c'est le nom de Johnny. À Saint-Jean, 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, c'est dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont enjambés, derrière un terrain vague où se trouve l'étonné. Dans la berceau de fer, je devais grandir. Vous ne tenez pas si je ne sais pas se rire. Je suis né dans la rue, je suis né et dans la rue, oui dans la rue. Oh. De père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, j'ai commencé ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né, né dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. À tous les côtés de la ville on me cherchait. Mes poids se sont serrés depuis je n'ai pas changé. Je suis né, né, né dans la rue. Oui, dans la rue. Je ne vis plus où les murs sont aujourd'hui. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Et quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Je suis né, né dans la rue. On parle avec respect et je dis le ciel est roi. On me choisit mes amis, tu sais les meilleurs qu'ils soient. On voudrait me faire changer mais c'est une chose perdue. Pour perdre votre temps, je retournerai à la rue. Je suis né, né dans la rue. Oui, dans la rue. ça ne finira jamais. Johnny et les films. En novembre 1991, l'acteur Hallyday se rend à Lisbonne pour tourner le film La Gamine sous la direction de Hervé Palud. Le film sortait le 24 avril 1992. Johnny en parle avec Michel Drucker dans l'émission Star 90 le 27 janvier 1992. Un mot de ce film. Hervé Palud, c'est lui qui avait réalisé Lansky. Oui, c'était mon metteur en scène fétiche, puisqu'on a, on a déjà travaillé près d'un an ensemble pour Lansky. Et ça, c'est une comédie d'action avec des cascades, beaucoup de cascades. Et un couple. Et un couple, une jeune fille, et puis moi. Voilà. C'est un film très drôle. C'est la première fois que je fais une comédie. Je dois dire que c'est très amusant à faire. Et c'est la première fois de ma vie où je me retrouve déguisé en curé. Ça, il faut le faire. Elle s'appelle La Gamine. Elle s'appelle May Wen, la jeune fille qui joue ce rôle. Alors, voici les premières images de ce film, qui est un film événement. Bah oui, c'est plutôt la bande-annonce de La Gamine qu'on va écouter à présent. Carole Lambert. Ça, c'est une gamine. Elle a pas plus de 15-16 ans. Quand elle m'a vu, elle a pris un revolver et me l'a pointé sur la poitrine. Moi, je veux pas qu'elle aille en prison. C'est une gamine. Elle a 15 ans. Oh, les filles, elles doivent tomber comme des mouches avec vous. Le côté aventurier solitaire, c'est dans leur plaire. C'est Lisbonne. C'est génial. Les gens sont super cool. C'est une ville où on s'éclate. Vous avez des drôles de fréquentation, hein. Ça va, hein. C'est lui. Bon, écoutez-moi bien, Carole. Depuis 24 heures, grâce à vous, je vis un enfer. Bah, tu vas m'emmener. Bouge pas, je te tire dans la tête, sinon t'as compris. Oh, j'ai fait une connerie, là. Active même ton cul, bordel, ils sont là! Oh, pardon, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, je voulais pas tirer. Foutez-moi la paix! Vous ne pensez pas que ça suffit comme ça, non? Oh! Quoi encore? Attention! Quand vous avez démissionné de la police, alors là, à mon avis, ils ont pas dû vous regretter. Bon, ça suffit, cette comédie. Relevez-vous. Je vous dis qu'elle va très bien. Elle joue la comédie. Comédie. Frankie, vous permettez que je vous appelle Frankie? C'est ça, votre genre de gonzesse? Oh, arrêtez de faire la gueule. Vous êtes vachement égoïste comme mec. Vous pensez qu'à vous tout le temps. Bon, ça suffit maintenant. D'accord? J'ai fait une connerie, hein. J'arriverai à rien avec cette fille. Oui, une bande-annonce sur le titre de Scorpion, Hit Between the Eyes. Le 27 janvier 1992, Johnny est la vedette donc de Star 90, émission de Michel Drucker, où il présente son nouvel album. On va terminer l'émission avec Johnny, mais d'abord, on va parler de Bruel. La chanson qu'on va entendre, c'est une des deux chansons que Patrick t'a écrites. Moi, ce qui me frappe avec ta rencontre avec Bruel, c'est qu'au cours de ta carrière, tu n'as pas changé tout en anticipant toujours sur les courants musicaux et en anticipant sur les rencontres. Goldman a écrit pour toi. Michel Berger. C'est vrai. Et maintenant, Patrick, comment se font ces rencontres? Avec Berger, il était venu me voir au Zénith quand j'étais passé là-bas. Et puis on a dîné ensemble après. Et puis on a décidé de faire un album ensemble. Et ensuite, bon, ça s'est passé un peu de la même façon avec Jean-Jacques. Et puis avec Patrick, ça fait longtemps qu'on voulait faire une chanson ou deux ensemble. Et puis là, bon, il n'avait pas le temps parce qu'il voulait commencer sa carrière, etc. Et puis là, il a eu un peu plus de temps et il m'a écrit ses deux chansons. Alors, et puis je sais, c'est la première fois que vous l'entendez à la télévision, mais à mon avis, vous l'entendrez souvent. Et puis je sais. Et puis je sais, tous ces regards sur moi. Et puis je sais, tous ces mots qu'on ne dit pas. Et puis je sais tout ce que j'aurais pu faire, à défaut de me taire quand j'approchais l'enfer. Et puis je sais les sourires qu'on invente, les mains glacées, les longues heures d'attente.

Le 30 mars 1992, c'est une soirée spéciale Johnny Hallyday sur TF1 avec en seconde partie l'émission Cinéstar présentée par Michel Drucker. Johnny ouvre les portes de la Lourada et parle de ses relations avec les femmes de sa vie, les médias, dans l'extrait que je vous propose. Étrangement, les femmes que j'ai aimées dans ma vie, avec qui j'ai vécu, étrangement, elles s'aiment bien. Ce qui est rare. Mais c'est vrai que les femmes ont mis en rapport avec moi après que pendant. Parce que bon, c'est quand même très très différent. Un homme et une femme, on n'est pas construit pareil, il faut bien le dire. Au début, quand on a une histoire d'amour, quand on commence une histoire d'amour avec une femme, on leur plaît parce qu'on est comme on est. Quand elles sont avec vous, elles veulent vous changer. Et quand on fait des efforts et qu'on change, elles vous aiment plus parce que vous n'êtes plus le même que vous, qu'elles ont rencontré. C'est très très bizarre. Alors justement, vivre avec Khalidé, ça doit pas c'est être pas facile. Ça doit pas être simple. Mais vivre avec Drucker, c'est facile? Sans doute pas. Et mais courage, Dany, hein, quand même. Ouais, c'est avec vrai. Tout le boulot que tu fais. C'est vrai. Mais les femmes qui ont voulu te changer, quelle est celle qui a le plus voulu te changer? Toutes. Toutes. Ouais. Elles auraient voulu que tu sois comment? Sage, sobre, sobre, bourgeois, le genre de gens idéal qu'on présente à sa famille. Et puis quand je fais des efforts, après, je ne suis plus le jojo turbulent. Puisque, enfin, je dis ce mot-là parce que souvent j'ai entendu ça, le jojo turbulent. Non, ce qui est là, c'est des plaisanteries tout ça. Ce qui est très important, c'est que même si je ne suis plus avec aujourd'hui, j'ai toujours des rapports amoureux, tendres. De passion, il faut bien dire, parce que sans passion, il n'y a pas d'amour. Je ne suis jamais resté fâché avec une femme avec laquelle j'ai vécu. Quand j'étais avec, souvent, je me suis fâché. Souvent, elles se sont fâchées contre moi, mais jamais après. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, avec Sylvie? Sens de la famille. La famille. La famille. J'avais rien à penser, rien à faire. J'étais dorloté, ouais, complètement, par Néné, la maman de Sylvie, par Georges, qui était son papa, qui n'est plus là, malheureusement, aujourd'hui. Par son frère Eddie, qui était un peu comme mon grand frère, j'ai senti cette tendresse, cette générosité qu'ont certainement les gens de l'Est, les Bulgares, etc. Ouais. Et bon, c'est vrai que la moussaka de Néné me manque aujourd'hui, ouais, énormément. Alors, quand on se moque de toi, comme je le vois de temps en temps, je vais citer Canal par ouais, exemple, non, ça te fout pas en pétard? Moi, pas vraiment, non. Ce qui me gêne énormément, c'est... on a déjà parlé tous les deux, c'est surtout par rapport à mes enfants, surtout à ma fille qui a 8 ans, qui va à l'école. Quand elle va dans la cour de récréation avec ses petits camarades, ah voilà la fille de hacker, je veux dire, ça lui fait pas plaisir. Ça me bouleverse quelque part et ça me fait mal quelque part par rapport à elle, pas par rapport à moi. Moi je m'en fous. On a dit de toute façon tellement de choses de moi depuis 25 ans que bon, je veux dire, je le prends plutôt, au début je trouvais ça marrant. Mais je trouve que les histoires drôles, les plus courtes sont les meilleures. Ça traîne un peu en longueur, là. Moi, ce qui me gêne le plus, ce que je trouve cruel, tu vois, c'est que ça te fait passer pour un connard et ça te fait passer pour un demeuré, alors que nous savons tous qu'on ne fait pas une carrière comme la tienne en étant justement un personnage un peu primate comme ça. Comment se fait-il que très souvent, quand on parle de toi, on dit « Oui, Johnny, il ne faut pas qu'il l'ouvre », alors que depuis une heure, tu l'ouvres et ça va très bien? Par timidité, peut-être? Parce que d'abord, quand j'ai commencé ce métier, j'avais 16 ans, il faut bien le dire, j'ai commencé très jeune, et j'étais très malédivement... très timide. Ouais. J'étais paniqué à l'idée d'une interview, à l'idée de monter sur scène, à l'idée de faire une télé, j'étais paniqué. Tu avais des complexes, quoi. Et à l'époque, je travaillais avec Donnie Stark. Non, pas des complexes, mais un peu d'appréhension, de peur. On veut toujours me piéger. Ouais. Et Donnie Stark me disait toujours, moins t'en dis, mieux c'est. Maintenant, bon, ça va, j'ai passé le cap, je veux dire. Ouais. Maintenant, je peux parler... C'est-à-dire ce que je pense aux gens, ouvertement, ce que je ne vais pas faire il y a quelques années. Tu demandais tout à l'heure ce que Sylvie t'avait apporté, tu m'as dit une famille. Nathalie t'a apporté des choses importantes. Elle est la maman de Laura, d'abord, déjà. La maman de ma fille. Et ça, c'est déjà exceptionnel. Donc déjà, il y a une énorme tendresse entre nous. Libération avait écrit à propos de toi, bien qu'il ait 40 ans, il est aussi beau qu'à 20 ans. Quand tu te regardes dans la glace, le matin ou le soir, ça dépend des heures, tu te trouves plutôt bien conservé, non? Non, c'est un entretien constant. C'est vrai? Non, je crois que c'est dans la tête. Ouais. Moi, je connais des mômes de 20 ans qui sont plus, dans leur tête beaucoup plus vieux que moi, ou plus vieux que Delon ou Belmondo. Ouais. Retour à l'album de la semaine, qui est Ça change pas un homme, sorti le 10 décembre 1991, et ce titre de Chris Rea, True to You. trou noir où l'on s'abandonne, se laissant personne. Pourtant sursaut, on repart à l'assaut. Because I'll be true to you. L'arbre qu'on croit mort, de là c'est encore. Que ça ne change pas un homme imprime une rupture. Plus question ici d'un auteur unique, on en revient à une production multi-artiste réalisée par Mick Lanaro et dirigée musicalement par Eric Bamy et Yannick Top. On écoute le producteur Mick Lanaro, le producteur de l'album Ça ne change pas un homme. C'est très curieux et très intéressant cette façon qu'a Johnny de transformer un petit peu les gens avec qui il travaille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui demande beaucoup. Moi, il m'a demandé énormément. Je crois lui avoir donné tout ce que je pouvais lui donner. Et en même temps, je suis sorti de cette expérience différent. Différent parce que ce type qui chante depuis 30 ans, qui est une idole, ça, ça paraît un peu péjoratif, mais je trouve qu'il faut respecter ce mot parce que c'est bien d'avoir des idoles dans la vie. On n'en a plus assez maintenant. Ce type est d'une simplicité, d'une modestie et d'une humanité extraordinaire. Je veux dire, de travailler avec Johnny, c'est une leçon d'humilité à chaque fois. C'est très difficile de travailler pour lui, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est une leçon d'humilité parce que c'est un type qui simplifie tout, tout le temps. Il faut être bon, il faut être fort, il faut être courageux quand on travaille avec lui. Mais en même temps, il faut rester simple parce que lui est simple. Et c'est très difficile de travailler pour des gens simples, mais c'est une leçon d'humanité de tous les instants. Et moi, je le remercie de m'avoir fait confiance. Je suis pas en train de lui cirer les pompes ou en train de faire de la démagogie show-businessienne. Mais vraiment, je le remercie et je lui dirai d'ailleurs, parce que ça m'a apporté beaucoup, parce qu'il m'a demandé beaucoup et parce qu'il est un être humain, au sens vrai du terme, extraordinaire. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment la musique. On retrouve Johnny Hallyday à Bercy en 1992 sur le titre Tiananmen. L'album aussi, Ça ne change pas un homme, s'achève sur le titre Tiananmen, une chanson qui évoque la répression brutale par les autorités chinoises des manifestations de la place Tiananmen en juin 1989. Et les paroles sont écrites par Isa Chandi, l'étudiante coréenne âgée de 19 ans. Debout, ah, tiens la merde, Restez chers de cette émission, Johnny de A à Z, la 603e, avec l'album de la semaine « Ça ne change pas un homme » sorti le 10 décembre 1991. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et d'écouter la rediffusion, le podcast, qui sera disponible dès demain. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Encore bonne nuit tout le monde, merci à vous, ciao ciao.